Toujours en Corée, le palais central de la jeunesse de Pyongyang a abrité le 21 septembre le 11e symposium sur l'esthétique architecturale en présence des cadres intéressés, architectes, techniciens, enseignants, chercheurs et créateurs. Les orateurs ont expliqué des exploits du maréchal Kim Jong-un qui a fait de l'année passée l'âge d'or de la construction et la mise sur pied des grands bâtiments monumentaux conformes à l'état socialiste hautement civilisé sous la direction du Parti travail de Corée, et argumenter sur les plans scientifiques et théoriques des problèmes posés pour ériger des architectures à la coréenne.